Mais qu'est-ce qu'il fout, bordel? Mais il va arriver, je te dis, là! Non, mais là, c'est débile. C'est quoi son excuse, déjà? Mais il devait finir de jouer avec ses fruits et légumes, je crois, un truc comme ça. Non, mais à quel moment tu t'es dit que c'était une excuse valable? Mais vraiment, j'ai pas dit ça, mais voilà, c'est que chacun a des délires différents. Lui, il joue avec des fruits et légumes, voilà, d'autres, c'est autre chose, quoi. Ah, mais vous avez pas commencé? Oh, mais j'attends un peu ou je te bute tout de suite, toi? C'est quoi ton délire, au juste? J'étais en rendez-vous avec Carole, pourquoi? Ah non, bah Flo m'a raconté de la merde en fait. Non, non, mais autant pour moi, je pensais que tu jouais avec des fruits et des légumes. Ah, mais ouais, c'était le cas. Attends, mais c'est qui cette Carole alors? Ah, j'ai dit Carole! Ah, bah voilà, j'étais en rendez-vous avec Carole, la Scarole! Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis aujourd'hui accompagné de Thomas. Comment ça va, Thomas? Hello, salut, salut. Bah écoute, ça va super, ça y est, c'est les beaux jours. Que demander de mieux? Eh ben, qu'il fasse beau, peut-être. De l'argent? De l'argent? De l'énergie? Ah, je rigole, ah, qu'est-ce qu'on rit, qu'est-ce qu'on rit. Je suis aussi avec Cédric. Salut Cédric, comment ça va? Ah bah ça va très bien, et je dis bonjour à tous les gens qui ont eu des médailles au karting ce week-end. Et bon courage aux autres, hein. Je sais pas si, ouais, il y a quelques éditeurs. Ouais, Cédric, vas-y. Tu vas rire, mais j'ai eu une médaille à un karting ce week-end aussi. Et bah tu fais partie du club. Et bah c'est pour ça que je te salue, mon pote. Il me chalue, le gars me chalue. Il te chalue, c'est comme saluer, mais avec un chat dans la gorge, exact. Je pense. C'est ce qu'on appelle un chalutier, en fait. Et un bisou à tous nos amis marins, on sait qu'ils nous écoutent. Et normalement, vous le savez, la tradition veut que l'on soit quatre, mais comme à chaque fois que nous sommes trois, l'excuse c'est parce que Flony devait être là, mais il n'est pas là. Flony est une merde, hashtag Flony est une merde toujours. Hein, on le met en top tendance. Donc vraiment, dites-vous que s'il y a une émission de Culture Ims où on est trois, c'est forcément parce que Flony n'est pas là. C'est plus ou moins ça. Oui, globalement, c'est ça. Qui pourrait nous faire faux? Bon, Banzied, de toute façon, il sait pas dire non. Et puis, de toute façon, si c'est Julia ou Seb, et bah, c'est deux qui sont en moins. Donc on peut pas faire d'émission. Et voilà, et si c'est Gus, bah, c'est qu'il présente Wake Up NBA, donc il a une bonne excuse. Et, ouais. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Arnaud de sa mère. Et oui, pour tous ceux qui cherchent depuis mardi de qui on va parler avec Jean-Luc Mélenchon, Johnny Hallyday, un pingouin, on va parler d'Arnaud de sa mère et vous allez voir que tout est lié. Tout est lié. Nous aurons aussi la minute du cul de Monsieur Thomas et ensuite nous passerons au conseil de classe. J'ai envie de vous dire top générique. Je me revois avec mon petit goûter là, allumant France 2. Putain. Bonsoir. L'autre jour. Oh, merde, je me suis trompé de mec en fait. Attends, je refais mon intro. Alors en fait, là, on va parler d'Arnaud de sa mère. Donc vous avez reconnu certainement. On ne demande qu'à en rire. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Bah j'espère. Et figure-toi que Arnaud de sa mère, tu savais que c'était pas vraiment son nom. Son vrai nom, c'est Arnaud de Cédric. Eh oui. Le petit Arnaud de Cédric qui est né le 11 mars 1975 à Bordeaux, mais qui grandit à Versailles, à Rocancourt, puis à Trappes. Au départ, il s'appelait Arnaud de Cédric aussi, mais ça ressemblait trop à Cédric. Et il disait, ouais, ça, c'est pas bankable, donc on va changer, vraiment. Ouais. Mais c'est qui Arnaud de Cédric de sa mère? On sait pas encore. C'est un humoriste, un comédien, un chroniqueur, animateur français aussi, à la radio, à la télévision. Et sinon, il dort des fois? Je sais pas. On verra, il y a un moment dans sa vie où il s'est dit, tiens, je vais faire plein de trucs. Donc, il pratique. Et tu as oublié pilote automobile aussi. Hein. Il est vrai. Ouais. Il est vrai. Alors ça, c'est dans les. Oui, il a fait le trophée Andros. Ouais. Il a gagné une compote une fois. Il a fait des grosses courses. Ouais. Il est plutôt assez vénère de ce que j'ai cru voir sur les stories. Ouais. Après, dans les catégories invitées, quoi. Alors que, et je suis sûr, je le pète. Hein. Arnaud, si tu veux faire un petit karting à Villeperdue, la piste, je la maîtrise. Hein. Donc, il pratique l'humour absurde, abordant avec un certain décalage tous les sujets comme l'amour, le sexe, la dépression ou les valises. Genre, vous savez, quand vous arrivez à l'aéroport, à chaque fois, tu attends devant le tapis roulant, tu vois les valises défiler devant toi, comme le PSG en Ligue des Champions. Puis tu dis, ah, cette fois, c'est la bonne. Et non, ils perdent 1-0 face au Bayern en finale. Et c'est toi, et c'est qui marque? Bah, c'est Coman, un joueur formé au club. Du coup, tu rentres à Paris après avoir passé une soirée de merde et puis c'est ta valise qui arrive la dernière. Donc... voilà, il fait régulièrement des digressions. Il dispose aussi d'un paperboard et il est également spécialiste de l'improvisation théâtrale comme des pointures du genre Flony Bacalao. Ah, mais en plus de ça, oui, tu dis que c'est une pointure, mais en même temps, régulièrement appelé en équipe de France. Et oui, et il est. Ouais, avec Kylian Mbappé, son plus grand acolyte. Parce qu'il n'est pas que pilote automobile, apparemment. Il est aussi footballeur. Non. Ah bon ? Non, c'est faux. Non, c'est David Trezeguet, ça. Eh ouais. Et du coup, là, on n'a toujours pas parlé de pourquoi c'est Arnaud Cédri, que c'est devenu autre chose. Parce que, donc là, on en est qu'au bac, en 94. Il entre à la fac et un soir, il découvre le match d'impro avec la compagnie Déclic Théâtre. Là, il se dit, waouh, c'est cool ce truc. C'est le déclic ? C'est le déclic dans sa carrière, certainement. En 98 seulement, il obtient une maîtrise de droit des affaires et exerce pendant plus de 2 ans le métier de commercial à l'exportation de fournitures scolaires. Et il... Et ouais. Oh la voilà. Tristesse. Le gars travaille chez Top Office. Le gars travaille chez Majuscule, c'est pire. Et oui, bah, si bien qu'il démissionne en 2001 pour avoir torturé des enfants étrangers. Qui ne l'a jamais fait. pour entamer une carrière professionnelle dans le spectacle. Et du coup, il fait ses débuts dans la compagnie d'improvisation théâtrale de Trappe, toujours dans Déclic Théâtre d'Alain Danglois en 2001. Trappe, il a pas... Je te coupe, hein, un petit lien avec Jamel Debbouze ou pas? Qui a été formé à Trappe, tu sais pas. Là, j'ai pas l'info. Très bien. Vous me le direz sur Twitter. Et là, je vous vois venir. Vous vous dites. Le mec repose sa chronique sur les fans, tu sais, de la personne en question. Genre, bon, bah, ça, les fans vous le diront. Et puis, c'est ça. Donc, sa chronique, c'est aller voir Wikipédia. Exact. Non, c'était pas écrit sur Wikipédia. Mais là, je vous vois dire, vous vous dites, mais attends, José, il y a un truc qui m'échappe. Le gars, il s'appelle Cédri et tout d'un coup, il s'appelle sa mère. Comment ça se fait? Et là, je réponds, bah déjà, je m'appelle pas José, c'est Cédric. Mais tu viens de nous dire que c'était Cédri. Je vais, oh, mais Arnaud Cédri, c'est moi Cédric. Moi, c'est Cédric, voilà. Et c'est pénible quand vous faites comprendre, de pas comprendre. Et surtout quand Flo anticipe des blagues comme Laurent Ruquier. Donc arrête de m'interrompre. Je commence à bégayer, à pas savoir où remplacer une, et puis je sature. Donc voilà, merde. Donc voilà de sa mère. Lors de son premier match en public sous le thème du soir, La vie de ma mère, Arnaud reste muet comme une carpe. Oh. Juste le trac qui le rend pas trac. Voilà, je passe à Nekfeu. Oh mon Dieu. Au départ, j'avais fait une putain de phrase avec des allitérations en cul, tu vois. Oh là oui, bah toujours plus. Et là, je m'étais dit, non, je vais juste me limiter. Je vais juste dire répas à Nekfeu. Voilà. Bon. Le track qui rend pas track, tu vois. Oh là, je me suis senti inspiré, quoi. Et là, sa mère est née. On pourra ensuite parler un petit peu du début de sa carrière et puis après on arrivera plus en profondeur dans sa carrière de spectacle, etc. Oh, mais oui, mais j'y compte bien. Alors, au début de sa vie pro, il rencontre la compagnie de la pastière. Rien à voir avec le pastis. Ni avec des postiers. Ni avec les postiers. Ah bah, ça va y aller aujourd'hui. Le mec, à chaque fois qu'il sort un mot... Il y a 2 phrases de vanne et 1 phrase d'explication. Ouais. C'est si long. Et ça fait déjà une émission de 45 minutes. Ça va bien se passer. Donc, il y joue de 2003 à 2005 et il fait une adaptation de Cyrano de Bergerac avec son grand nez là. Au pif là. Et ouais, au château de Gizeux, parce que tout le monde n'a pas la chance de raconter la vie de Jeanne Languille devant le château d'Artane. Allez, private joke. Petite rêve placée là pour ceux qui sont de Touraine, c'est et, tout. Et oui, ouais, bah si vous voulez voir le spectacle de Jeanne Languille, vous faites des résas à ATA et on le refera peut-être. Voilà. Dans laquelle, du coup, il interprète le baron Christian de Neuvillette. Voilà. Donc ça, personne n'en a entendu parler, c'est normal, il n'était pas encore connu. Allez. Mais là, il commence à un petit peu montrer, à pointer le bout de son nez, tu vois. De 2005 à 2006, il présente la météo du grand journal de Canal+. Mais je m'en souvenais pas. Ah ouais ? Et ouais. Et en fait, c'était à l'époque, tu sais, où la météo, c'était genre présenté par des gens. Des humoristes. Ouais, c'était... Ouais. Voilà, c'est, des fois, c'était drôle, genre avec Arnaud de sa mère. Et puis après, genre à la fin, tu fais ouais, pas ouf. Tu dis ça parce que c'était des femmes ? Mais de toute façon, je reconnais pas les femmes. Donc, comment mettre mal à l'aise quelqu'un ? Allez ! Non. Bah, Anne Roumanoff est très drôle. Ensuite, Laura Lone a beaucoup de talent. Et ça, c'est pas pour rire. J'ai pas rire. Si, t'as rire. Oui, mais Anne Roumanoff, parce que c'est drôle de dire qu'elle a de l'humour. Ouais. Alors, du coup, il passe ensuite. Le mec s'auto-perd dans ses vannes. Ouais, je suis ouf. Perdu. On dirait Arnaud de sa mère. Oh, waouh. Non, t'es lié. Et ouais. La mise en abîme, c'est hallucinant. Alors, il passe ensuite dans l'émission Made in Palmade de... Michel Blanc. Et... Non, dans l'émission Made in Palmade, c'était sur France 3. C'était, il me semble que c'était un peu c'était un peu l'ancêtre d'On ne demande qu'à en rire, mais c'était plus version La Classe où Palmade avait sa bande et il faisait des sketchs et il y avait déjà Alex Lutz dans l'équipe, tout ça. Ah oui, ok, je vois. Et du coup, bah, ça non plus, je ne regardais pas à l'époque. Je regardais, mais je ne trouvais pas ça drôle. Mais là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va tendre l'oreille, hop, qui va lever la patte et qui va flairer un truc là. Et là, je vais y dire... Il a joué dans la série Hérocorp, dans laquelle il interprète... Arnaud de sa mère. Arnaud de sa mère. Non, pas Pierre Palmade. Pierre Palmade, il joue dans Hérocorp aussi. Ouais, mais c'est pas la chronique. Vite fait. Il interprète Karine. Et c'est Captain... Captain Sport Extrême. Exact. Bien évidemment. Et oui. Et oui. Il con ce personnage. Ok. Il y en a beaucoup, je pense. Si on joue avec la fédé amérindienne, on doit s'enlever les rates. Et le 15 novembre 2010, il réalise son premier passage à On ne demande qu'à en rire, qui aura révélé de jeunes talents comme Laurent Ruquier ou Jean Benguigui. Voilà. Et après, le reste, n'en parle pas trop, ça peut être en lien avec la minute du cul. Et justement, c'était là où je voulais faire la transition avec la minute du cul, on s'était même pas parlé en plus. Et j'ai dit, oui, il écrira et interprétera un bon nombre de sketchs. Et je te laisse la main, mon petit Thomas. Oh, bah avant, on va peut-être lancer un petit jingle pour faire une petite transition, parce qu'on aime bien le jingle dans cette émission pour faire des transitions. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux ? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Quasi, active la minute du cul en rotant. Eh ben écoute, mon cher Cédric, je crois que tu ne pouvais pas faire meilleur placement et meilleure introduction pour ma minute du cul. Parce que tout simplement, pour ma minute du cul, je voulais, ça me fait mal de dire cette phrase, mais un peu rendre à Ruquier ce qui est à Ruquier. Ah, pardon. dans le sens où, mine de rien, cette émission, quand on la regarde en arrière avec les 10 années qui se sont écoulées depuis, eh ben on a quand même de sacrées pépites qui sont sorties de là. Hein, maintenant, oh, mais oui. De sacrées pépites qui ont d'ailleurs parfois explosé il y a seulement 2-3 ans. Ouais. Et je vous propose Je vais en citer quelques-unes, puis je pense que vous allez pouvoir en citer également qui vous ont marqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, en effet, on peut citer Arnaud de sa mère. Je pense que dans la continuité, et d'ailleurs, c'est son très bon pote et son producteur, on peut citer Jérémy Ferré qui a annoncé il y a maintenant un mois qu'il allait remplir deux fois l'accord Hôtel Arena, quand même, accessoirement. Un peu boulard, le gars. Bats. Hey, tu l'avais, celui-là? Alors, on peut citer Guillaume Bats, mais moi, je pensais tout de suite déjà des gars qui ont quand même fait déjà des belles carrières d'humoriste. On a Florent Père, on a des artistes comme ça. Et en effet, après, on a Guillaume Bats, on a plein de noms qui, après aussi, ont fait leur carrière de leur côté. On a, par exemple, moi, je me souviens que c'était une des principales, c'était Nicole Ferroni à l'époque. Ah oui, qui, elle, maintenant, fait plus de la présentation sur Paris Première, si je ne me trompe. Et sur France Inter, ça, elle est aussi. Ouais, il me semble, je ne sais plus si elle a encore ses chroniques sur France Inter, ouais. Mais effectivement... C'est vrai qu'elle y est passée aussi. Et puis voilà les gars, si vous avez d'autres noms qui vous viennent, qui vous semblent pour vous dans les plus marquants. Comme ça, oui. Cédric parlait d'ODB, Olivier de Benoît. Il y a eu Ahmed Silla. Ouais, les Lascar Gay qui étaient là. Lascar Gay. Ahmed Silla que j'avais. Garnier sans doute. Il y avait les décaféinés. Les décaféinés. Ouais, c'était cool ça. Et ce qui est marrant, à l'inverse justement, c'est qu'il y avait des duos qui étaient vraiment symboliques. Les gens regardaient l'émission pour eux. Ah bah oui, c'est clair. Et qu'on a quand même beaucoup moins vu à la fin. Les décaféinés reviennent un peu, étonnamment, ouais. Mais ils reviennent un peu. Ouais. Et Garnier sans doute, par exemple, dont moi j'étais un consommateur, un fervent consommateur. Ah bon c'est vrai qu'on les a un peu perdus de vue. Ouais. Je sais que. Il y a Emric Lomprey sur France Inter aussi. Ouais, c'est vrai. Emmerich Lomprey sur France. Voilà. Ouais, il y en a beaucoup qui sont sortis. Je voulais juste, mine de rien, Kev Adams aussi, qu'on le veuille ou non. Il est passé aussi. Il y avait Walidia aussi. Ouais. Kevin Razi, Arnaud Cosson. Ouais. Enfin voilà. Bonsoir. Artus, qu'on a pas évoqué. C'est vrai. Oui. Artus. Tu crois que j'ai pas pensé à Artus? En mode. Voilà, pire imitation, encore une Artus, fois. Artus, qui depuis un an est en pleine explosion cinématographique. Ben, le pote d'Arnaud de sa mère. Je voulais en parler de Ben, ouais, aussi. Ben. Voilà, et en fait, je disais ça, l'objet de cette minute du cul, c'était vraiment de se rendre compte que, mine de rien, qu'on le veuille ou non, cette boîte, cette émission qui a duré quelques temps, pas si longtemps que ça finalement, mais quelques temps, a quand même lancé un nombre d'artistes qui aujourd'hui font vraiment partie du patrimoine humoristique français, qui est assez monumental pour le coup. Mais au final, l'émission en tant que telle, vraiment présentée par Ruquier, avec le mode de fonctionnement qu'on connaissait, ça a duré quoi, à peine 3 ans, même pas? Alors oui, justement, je vais en parler juste après. Ah, t'en parles juste après? Ouais, t'inquiète. On peut presque enchaîner. Robert, j'ai envie de vous dire, merci Thomas et voilà, Laurent Ruquier, mais vraiment, on t'envoie le RIB. Catherine Barma, c'est elle qui a la thune. J'en parle pile à ce moment-là. Oui, non, mais sinon, ouais, Catherine Barma, elle a peut-être plus de thunes, on verra. sachant que les deux. Jean Benguigui, non. Je sais pas. Eric Métayer, allez, ça se tente. S'il faisait juste une apparition dans l'émission ou genre qu'on l'invitait, Métayer, ce serait chaud. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais on va vite se calmer. On a eu Donald Renew, on peut avoir Donald. imité par Métayer. Allez. Eh bien, c'est sur cette magnifique transition, parce que je pense que de toute façon, je ne ferai pas mieux et personne ne fera mieux. Bien sûr. Qu'on va enchaîner sur la suite de la chronique de Cédric. Eh bien, justement, c'est là, on ne demande qu'à en rire, où sa carrière aura vraiment décollé. Parce que, donc, révélation de multitude d'artistes, comme on vient de citer, il écrira et interprétera du coup 94 sketchs qui seront souvent notés à plus de 90 sur 100. Donc, il y a eu très très peu de mémoire pour les avoir vraiment vus, ces passages, j'allais dire stalkés, mais oui, je les ai revus plusieurs fois. Ouais. C'est vrai que de mémoire, il y a eu un seul passage sous les 70, mais sinon, c'est... Ouais, il y a un moment où il a été repêché. Il y a eu une seule fois. Ouais, et c'était... C'était un sketch de Tintin. Je m'en rappelais plus celui-là. Ouais. Ah putain. Tu sais pas à qui tu parles, mec. Mais en fait, c'était sur cette émission où je suis carrément devenu fan d'Arnaud de sa mère. Voilà. Sur l'émission où il s'est fait repêcher. Arnaud. Non, sur l'émission. Ah oui, sur l'émission, sur On ne demande qu'à en rire, d'accord. Ouais, franchement, je suis. Ouais, sur le programme. Et moi, c'était avant. C'est devenu, en fait, mon humoriste préféré, voilà, à partir de, bah, de ces émissions-là. J'ai découvert un nouvel humour qui fonctionnait pas trop, globalement. L'humour absurde, on le voyait pas trop. Il y avait Rolin qui l'en faisait, mais... Ouais, mais Rolin était, c'était un personnage, mais il était pas vraiment, entre guillemets, on va dire ça, les mots qui fâchent, il était pas vraiment people, quoi. C'était pour des initiés, on va dire. Et en fait, avec Arnaud de sa mère, on était vraiment sur un humour absurde qui marchait aussi au grand public. Oui. Et du coup, j'ai trouvé ça super cool. Tout comme Jérémy Ferrari ou... Mais après, ouais. C'est, pour moi, c'est ça la force de On ne demande qu'à en rire, c'est que ça a révélé des humoristes qui ont tous des styles différents, ouais, et qui font que ça fonctionne sur le grand public. C'est ça. Et comme je disais, donc c'est là où sa carrière aura vraiment décollé. Et quand je dis décollé, je dis pas comme un avion. Le petit Arnaud, il gardait bien les pieds sur terre. À moins qu'on lui ait mis des ailes. Et là, il aurait pu véritablement décoller. Et dans lequel cas, il n'aurait pas eu besoin d'un truc pour passer au-dessus du public déguisé en perruche dans son dernier spectacle. Waouh ! Tout ça pour en arriver là. Et ouais. Mais surtout qu'il n'y avait même pas de truc, du coup j'ai dû lui toucher les couilles. Ouais, parce que j'ai porté Arnaud. Voilà, j'ai porté Arnaud de sa mère, j'étais au premier rang. Voilà. Il m'a dit lève les bras, je fais d'accord. Et il dit non, pas pour faire coucou. Et du coup, bah, je l'ai porté. Et il est lourd. Et du coup, voilà, c'est ça l'anecdote. C'est Cédric a touché les couilles d'Arnaud de sa mère. Mais j'ai pas fait exprès, Arnaud, porte pas plainte. Voilà. Mais bon, bon, c'est une belle conclusion de chronique. Une belle conclusion de carrière. J'arrête Culture Ims. Alors, du coup, à partir de ce moment-là, donc quand il commence à être vraiment révélé, donc entre 2011 et 2013, il devient chroniqueur sur Europe 1. Il participe au Festival d'Avignon, il joue à l'Européen à Paris, il apparaît dans le court-métrage Lost in Montreux du Palma Show, dans le Golden Show. Dans le Golden Show, il m'a fait mourir de rire quand il est déguisé en chat, quoi. Avocat pour chat. Ouais, non, mais c'était trop drôle. Alors on c'est comment qu'il... On veut toucher la mimoune de... Enfin, je sais plus, mais voilà. Alors, garçon... C'est la pire citation de sketch que vous avez fait. Ouais, attends, non, on va couper. Franchement, c'est horrible, Je ne coupe rien. Merde, t'es un bâtard. Oui. Mais dans ma tête, c'est tellement clair. Alors, il s'appelle Arnaud. Ouais. Et oui. C'est vrai. Me regarde pas comme ça, Thomas. Tu sais très bien que j'adore les faire, celles-là. Du coup, il faut aussi la tournée du trio avec Jérémy Ferrari, dont on a parlé tout à l'heure, et Baptiste Le Caplain, qui n'a pas fait On ne demande qu'à en rire, mais c'est un grand copain et il est très drôle aussi. Que je paierais, sincèrement, les gars, je paierais 100 balles pour payer un spectacle de 2 heures avec eux. Ah bah, mais 200 balles même, moi, j'en ai rien à foutre. Ouais, parce qu'ils ont arrêté. Franchement, les duos, ils ont les duos impossibles depuis quelques temps, et ça, je pense que Cédric en parlera, mais ils sont tellement forts sur des sketchs. Ouais, alors, c'est des grands potes, ils aiment bien écrire ensemble. Bah, du coup, Jérémy, qui est maintenant son producteur. Alors, aussi Jérémy, entre... et je crois qu'il y a Eric... Non, il n'y a pas Eric Antoine qui fait partie de Dark Smile maintenant? Je sais pas ça. Il me semblait un truc comme... Enfin bon. Si, ouais. Entre 2011 et 2013, il écrit aussi occasionnellement des chroniques sportives dans Le Monde. Il devient également chroniqueur occasionnel de l'équipe d'Estelle. Il participe à l'émission Ondar Show, qui était un naufrage. Oui, mais pourtant c'était drôle. Je trouvais ça drôle, moi. Bah, en fait, c'était le format. Moi, c'était sympa. Ouais. C'est... Alors, il y avait des sketchs drôles, mais je trouve que le format, il était peut-être un peu répétitif, où il y avait toujours, tu vois, les infos vraies d'Arnaud de sa mère, handicap. C'est alors que dans On ne demande qu'à en rire, finalement, t'avais les sujets qui arrivaient en fonction simplement de leur inspiration. Mais tu vois, là, on était plus sur un format, j'ai l'impression, un peu plus sans l'invité, mais Saturday Night Live. Et enfin, je trouve ça passe, en fait. T'avais des sketchs, et puis moi, je regardais en vrai. Donc c'était pas naze, mais c'est vrai que les audiences n'étaient pas au rendez-vous. Mais ouais, ça a été surtout un naufrage au niveau des audiences. Et le créneau était compliqué. C'était le samedi en fin de journée, si je me trompe pas. Ah oui, ça... puis souvent il y a du monde qui vient se garer le samedi en fin de journée. Samedi, tu récupères le 18-19. S'il te plaît, quand t'as 50 minutes insider, c'est ce que j'allais dire. Quand un mec qui fait salut les loups, ouais, bah ça j'ai jamais regardé par contre. Ouais. Alors, il est à l'affiche. Après, on te l'a pas demandé. Il est à l'affiche du film Fonzie avec José Garcia. Et qui s'en souvient. Non, un film que je n'ai pas vu. Alors ça, par contre, je m'en souviens. Il devient animateur en animant Canapé Quiz, puis Une Famille en Or sur TMC. Ah oh, oui. Bon, c'est vrai. Là, on va pas se mentir. Il commence à toucher à tout comme ça. Et on l'a un petit peu perdu, le petit Arnaud. Il était moins dans l'humour, tu vois. Il voulait faire à limite une carrière d'animateur. Ça n'a pas trop marché, a priori. Le public l'attendait peut-être pas dans ce rôle-là. Bah, le public l'attendait peut-être pas. Et en même temps, à l'époque, TMC, niveau audience, bon. Ouais, pas se mentir. Que... Et puis quand tu diffuses Canapé Quiz, je crois que c'était le soir à 23h, tu fais bon, bah t'attends pas non plus à voir 100 000 personnes, quoi. Ouais, mais il y a des fois. Après, des en plus, lui donner Le Famille en Or, qui est un programme qui est quand même très gros, très. Une grosse production et tout, bah, c'est vrai ça. Que et quand t'as pas la formation, faut assumer derrière. Et puis au-delà d'être une grosse production, c'est vraiment très formaté, très, très, très cadré dans le truc, donc t'as pas de marge de manœuvre. Surtout pour quelqu'un qui aime les impros. Bah c'est ça, donc voilà. C'est compliqué. Hein. Voilà, et puis bah, il est revenu sur France 2 amuser les petites vieilles chez Drucker, avec son ami Ben. Il anime la matinale de RTL2 entre 2016 et 2017, puis vient régulièrement dans les grosses têtes sur RTL avec le jeune Roland, je veux l'appeler Roland le Ruquier. Laurent Ruquier qui l'aura révélé finalement. Eh oui. Et voilà. Alors, est-ce que vous avez vu quelques petits spectacles? Ah, tiens, déjà, est-ce que dans On ne demande qu'à en rire, il y a des sketchs qui vous auront plus marqué que d'autres? Oui, clairement. Bah, hein oui, ouais, ouais, vas-y, clairement. Vas-y, Thomas, je te laisse faire. Vas-y. Tu penses à quoi? Moi, j'en ai. En perso, je crois que c'est le premier où il atteint les 100. Ouais. Donc, c'est celui des légumes, si je ne me trompe pas. Ouais, non. Alors, moi, c'est. Non, il a 99, je crois. Ah ouais. Non, il a 99. Ah bon, c'est pas le record, ça? Ou alors, le record, ouais. Je crois que le premier sketch où c'est les 100 qui sont atteints, c'est Ferrari et Bats. Ouais, il avait 99. Celui-là, je me souviens, j'ai encore l'image en tête de je me suis ouvert une bière, machin. Je sais qu'il y en demande qu'à en rire. J'ai regardé le programme, il y a Arnaud de sa mère. Alors, oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'avocat de la salade, la frite et de la saucisse. C'est le record. C'était le record qui battait Garnier sans tout, il me semble. Oui. Et du coup, ouais, ils avaient bien ça. Ce nombre-là. Ouais. Mm-hmm. Et justement, ça, il y avait aussi une espèce de rivalité qui naissait, une fausse rivalité entre Jérémy Ferrari et Arnaud de sa mère, qui était très drôle. Il reprenait des, tu vois, c'était un running gag tout le temps. Par exemple, on peut citer dans Vous êtes polyamoureux avec Jérémy Ferrari, où Jérémy Ferrari devient gentil, il devient un bisounours. Un bisounours. Voilà, il veut faire des bisous à tout le monde. Et puis bah voilà, ça parle de cette rivalité, de cette fausse rivalité. Moi j'en ai revu quelques-uns. Une association de défense de l'œuf mayo où il y a une de ses signatures qu'il y a dedans. Oui. C'est il interprète plein de personnages. La multitude de personnages, voilà, dans un sketch. Voilà. Ouais. Où il va courir à droite et à gauche de la scène pour et faire un flic qui est avec son haut-parleur, un journaliste, le journaliste plateau, enfin voilà, où il court tout le temps et ça il découvre. Parce que l'action se passe dans le même dans le même moment et c'est vraiment exceptionnel. Et ça. Il arrive à découdre totalement les dialogues et en fait il fait parler des, par exemple le journaliste puis le flic, mais ils ne se parlent pas les deux et en fait si tu restructures tout, ça a un sens, mais tel que ça nous est proposé en fait c'est totalement absurde et c'est très marrant. Par exemple aussi, une maison à l'envers en Allemagne, où il fait le sketch totalement à l'envers, avec le jingle de l'émission qui est à l'envers, et il commence par la fin du sketch, et en fait, il te met à picorer des petites vannes en fin de sketch, et en fait, tu te rends compte de pourquoi c'est marrant en début de sketch, mais au début qui est à la fin du coup, voilà. Donc l'avocat de la salade, de la frite et de la saucisse, évidemment, bah ça... où il va jouer avec des aliments, hein, avec le témoin mots... qui est comme haut comme trois pommes. Et là, il met trois pommes sur la table. Voilà. Ouh. Voilà. Donc c'était l'histoire d'une patate qui avait tué une saucisse et en fait c'était le mari qui avait été attrapé. Enfin, c'est ça. Bref, tout un quiproquo, messieurs dames. Oh, vous nous en direz des nouvelles. Et oui. Un sketch marquant aussi. Un pompiste explique le prix de l'essence en imitant ODB. Donc, c'est vrai. Donc, en mettant le doigt sur la ceinture, en faisant bonsoir. Voilà. Captain America, mon héros préféré. Ah oui, le mec dans le bureau qui a plus de papier dans l'imprimante et puis genre il se fait une vie de ouf quoi. Le voleur de valises qui se cachait dans une valise. Bah voilà, je vous avais dit qu'il parlait de valises. Et voilà. Voilà. Et pourquoi ma valise est toujours la dernière sur le tapis de l'aéroport ? C'est un sketch improvisé d'ailleurs. Le voleur de valises se cachait dans une valise. Oui, c'est vrai que c'est un sketch improvisé. C'était la première fois qu'il faisait un sketch improvisé dans Ondar. Et c'est vrai que quand ils ont annoncé ça, j'ai fait un sketch improvisé. D'accord, ouais. Arnaud de sa mère, bon, bah bon courage. Ouais, et c'était un petit défi lancé par Laurent Ruquier. Très marrant. Ouais, et c'était en fait et très cool. Il en faisait ce qu'il voulait. Ouais. Ah oui, bah c'est clair. Hein. Ah bah tu voyais pourquoi il avait été appelé en équipe de France. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que pourquoi ma valise est toujours dernière sur le tapis de l'aéroport, c'était un sketch qu'il avait fait il y a pas longtemps. Et du coup, il en a fait référence alors que ça venait d'être tiré au sort le voleur de valise se cachait dans une valise. Et du coup, ceux qui avaient la ref, ça les a bien fait marrer, je pense. Un télécrochet pour les chanteurs à toc, hein, bon ça c'était un truc collectif qui était très drôle. J'apprends que je suis décoré de la Légion d'honneur où il décrit en fait les effets de son sketch en faisant un arrêt dans le temps. Ça, c'était, c'était pas mal. Donc en fait, il dit que on est sur un grand créatif quand même. Non mais en fait, c'est à dire que si tu cites les 94, on n'a pas fini l'émission. Non, non. Là, simplement après. En fait, c'est que là, à chaque fois, on est sur des styles de sketch qui sont totalement différents. C'est pas juste du stand-up. Au final, c'est vrai que ça change un petit peu. Il y a le sketch improvisé, il y a les sketchs collectifs, sketch en duo avec Sketch à l'envers, le sketch avec plein de persos. Il y a les sketchs en duo aussi avec Ben. Ça reste toujours. Bah là, c'est très très absurde. Hein. Un casting pour être mis sur un Tour de France, Association de défense des lapins et c'est nous les Daft Punk où ils prennent un petit déj les Daft Punk avec leur casque. Et voilà, c'est muet, c'est très déjà, con. Déjà rien que le concept. Voilà, franchement. Viens, on est les Daft Punk et on prend le petit-déj. Bah, vas-y. Ça dure 5 minutes. Allez, ça part. Et franchement, voilà, c'est au niveau aussi de la diversité de ce qu'ils proposent. C'est juste incroyable. Donc, on va pouvoir parler aussi des spectacles. Tiens, juste un petit truc comme ça. Est-ce que vous avez vu des courts-métrages qu'il avait fait genre Bing, Homer Simpson, d'Arnaud. Oui, je l'ai vu. Ouais, alors celui-là aussi. Non, j'ai pas vu. Ça fait longtemps, mais oui, je l'ai vu. Je l'avais vu. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, je vous conseille de regarder ça. C'est sur Dailymotion. Waouh! Waouh! Donc, franchement, ouais, il est pas mal. C'est avec Philippe Pétieux. Oui, c'est avec Philippe Pétieux qui est la voix française de Homer Simpson. Et là, pour en revenir au fait qu'il savait faire plein de trucs, bah là, en fait, Arnaud de sa mère, il est hyper badant, il est gênant, il fait peur. Il joue le rôle d'un fan de Homer Simpson, ou en tout cas de Philippe Pétieux, mais qui est hyper gênant, qui a même un pouvoir qui bloque la voix de Philippe Pétieux en Homer Simpson. Et son regard est hyper flippant. Et du coup, voilà, si vous voulez voir Arnaud dans un autre style, c'est un peu marrant. On peut arriver au spectacle. Oh, les spectacles, allons-y. En 2002, entre 2002 et 2004, il fait réflexion profonde sur pas mal de trucs. Donc ça, j'ai pas pu le voir parce qu'il n'est pas sorti en DVD. Et non, et ouais. Je suis pas sûr qu'il soit dispo. Donc je sais pas si vous l'avez vu, vous étiez jeune. Thomas peut-être pas né déjà de voilà. Base. Voilà, donc compliqué. Non, celui-là je ne l'ai pas vu, mais de ce que j'ai vu c'est qu'il était déjà coécrit avec Arnaud Joyer. Oui, c'est ça. Donc il y avait déjà cette petite patte où c'est un petit peu absurde à la Joyer Rolin de sa mère quoi. Ouais, mais il n'y avait pas encore Rolin. C'est avec Chose Promise entre 2005 et 2013, du coup là coécrit avec Joyer et Rolin. Donc là, c'est le premier spectacle que j'ai vu d'Arnaud de sa mère. Oui. Donc ça s'est passé comment ? J'arrivais à la Fnac de Tours. Et c'est true story, hein. J'arrive à la Fnac de Tours, je fais un petit tour comme ça. Et là, je vois quoi ? Je vois mon humoriste préféré qui est en train de faire des dédicaces. Je fais oh putain, j'ai les mains vides. En plus, j'ai même pas de papier, j'ai pas de stylo. Bon, bah, qu'est-ce que je fais ? Je cours dans la Fnac chercher un DVD. Je reviens. Paf, la queue est fermée, je peux pas aller faire dédicacer mon DVD. Voilà. Ça, Et j'y ai même pas dit ça par contre, parce que j'ai raconté l'anecdote, mais j'avais oublié le plus important. Parce qu'on a vu Arnaud il y a pas longtemps. Et du coup, putain, Arnaud de sa mère, si tu écoutes cette émission. Ah bah, je pense que comme nous tous, il a décroché. Hein. Ouais. Arnaud, s'il te plaît, j'aimerais bien que tu dédicaces mon DVD. Voilà. Alors. Du coup, chose promise, du coup, entre 2005 et 2013, donc ça parle de la promesse de Patrick à Rémi, voilà, Rémi, qui voulait faire du one-man show. Et du coup, bah, son ami Rémi, qui est décédé de mort, parce qu'il était alcoolique. Donc, oui, c'est vrai, en plus, il a eu un accident de voiture dans l'affaire. Donc, c'est une fiction, hein, on le précise, hein, parce que du coup, Arnaud ne s'appelle pas Patrick. Voilà. Ah, ok, ouais, ouais. Très bien. Non, du coup, mais on retrouve quelques sketchs de ventriloquie, parce que bah, voilà, Patrick veut aimer la ventriloquie, c'est là où on voit le falzouille. Falzouille, ben oui. Et voilà. Mais ça, tu vois, c'est des sketchs, après, tu dis qu'il l'a fait de 2005 à 2013, donc 8 ans quand même. Moi, c'est un truc que j'avais découvert à l'époque, c'était sur France 4, ça s'appelait ouais. Plié en 4, je ouais. crois que ça passait soit avant, soit après Touche pas à mon poste, ou dans... enfin, c'était en fin de soirée, et c'est là que je l'avais découvert, et j'ai fait, putain, ce mec est trop fort, en fait, ouais. C'est n'importe quoi ce qu'il fait. Salut mon petit falzouille. Ouais, en fait, c'est totalement absurde, parce qu'on a l'impression qu'il va faire un spectacle devant le triloqui, finalement, bah, il s'en bat les couilles. Il fait de la merde. Voilà, il se rend compte, enfin, tel qu'il le joue, il se rend compte qu'il n'est pas capable de jouer de faire le ventriloque, et là, du coup, bah, il se met à partir dans des monologues, à digresser, comme il sait faire si bien. Mais oui. Les ombres chinoises, où on se rend compte que là aussi, ce n'est pas lui qui fait les ombres chinoises. C'était très drôle. Le vaudeville, là où on le retrouve à faire plein de personnages. Voilà. Ouais, c'est vrai, le vaudeville. Et la chanson Hommage à Rémi, qui était un bel hommage, malgré tout. C'est drôle, c'est surtout drôle. C'est surtout drôle, waouh. Confidence sur pas mal de trucs depuis 2013. Plus ou moins confidentiel. Sur pas mal de trucs plus ou moins... Ouais, c'est ça, ouais. J'avais pas la fin. Confidence sur voilà. Pas mal de trucs plus ou moins confidentiels. Voilà. Depuis 2014, qui est coécrit bah, par les mêmes. Hein, Joyer, voilà. Rolin de sa Rolin. Mère. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est les gens ont pas envie de rire, quoi. Donc, et vu que quand on parle de soi, c'est pas drôle, et bah, ils décident de parler de lui en balançant des banalités. Genre le karameski, tu sais ce que c'est le karameski? Oui, les karameski, les petits biscuits. Non, c'est les céréales, oui, les céréales. Au caramel, voilà. Et voilà, tout ce qui l'énerve, il fait donc des trucs. Quand il va dire un truc qui l'énerve, c'est une banalité. Genre, ouais, moi, ce qui m'énerve, c'est... ouais, je vais dénoncer quelque chose, mais genre quand on coupe la route, tu vois. Genre, merde dans ce genre-là, tu vois. Ah ouais, bah, ça, ouais. Et puis genre il réagit même pas des fois, tu vois, genre ouais, j'étais vraiment énervé, tu vois. Où il fait 10 minutes sur la musique parce qu'il aime la musique, donc il va juste chanter. Incroyable, ça, incroyable. C'est fort. Il prend les mots et puis à chaque fois c'est une ref musicale, allez, une ref musicale, une ref musicale. Ouais. Donc il fait des confidences sur le sexe, les dilemmes aussi, sur un meuble qui n'est pas droit, donc il voit son pupitre qui n'est pas droit, et puis là tout d'un coup il fait mais putain, mais finalement c'est la scène qui n'est pas droite, donc voilà, ça c'est du de sa mère tout craché. Son âme d'enfant, comment un humoriste trouve ses sketchs, donc voilà, les poubelles, les poubelles, voilà. La chasse aux... En fait, il énumère les trucs, ouais, et ça. Tu dis mais en fait c'est ça ne ressemble et ça ne rime à rien. C'est ça. Et en fait, il... C'est vrai que si le gars, si nos auditeurs n'ont pas vu les spectacles, là c'est compliqué. Hein. C'est une... Non, mais en fait. C'est une chute de mots. Hein. C'est. Mais en fait. C'est, truc... ben, on dirait du de sa mère en fait. En fait, du coup une poubelle. C'est que. Ouais, mais pas drôle. Non mais on est sur des pures banalités, on se dit comme ça, waouh, le gars, bah tiens, on va en revenir. Voilà le pingouin, tu vois. Le pingouin, c'est dans ce pestacle. Oui. Ouais. C'est vrai qu'il est déguisé en pingouin. Et hop, une ref. Voilà. Une ref aux indices. C'est allez. Ça. Donc la chasse au rire de merde qu'il a refait, je crois, aussi dans le spectacle qu'on a vu dernièrement. Ah oui, bah ça, mais ça après, je pense qu'il fait ça suivant les salles et qu'il y a toujours. C'est un classique. Il y a toujours, c'est un classique chez les humoristes. Hein. Il repère, mais pour avoir vu Jérémy Ferrari la semaine d'avant, il l'avait fait aussi. Hein. Ouais. Après, je pense que c'était la même meuf qui était venue en spectacle et qui rigolait comme une connasse. D'ailleurs, il la paye pour venir. Je pense. Et à la fin, du coup, un medley de tous les personnages. Voilà, qui n'ont rien à voir, où on se dit putain, c'est que des thèmes un peu pourris, que des banalités, où il est censé justement ne pas nous faire rire et qu'il se rend compte que bah, finalement, à chaque fois qu'il parle, c'est drôle. Ben enfin, oui. Ça, c'est le personnage. Et bien, bah voilà, c'est ce medley que tu revois avec tous ces personnages où il va courir à droite et à gauche de la scène. Voilà, donc là, c'est un bouquet final incroyable. 2018-2019, ensemble sur scène avec Ben. Donc ça je l'ai pas vu, mais à chaque fois que je l'ai vu sur Ondar avec lui, bah franchement c'est un régal. C'est ça, mais ouais, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu le voir, on avait l'occasion de le voir, mais ce soir-là, Cédric, on était en représentation théâtrale déjà. Ah ouais, on l'a loupé, on l'a loupé. Oui. Ils sont passés pas loin, puis du coup on s'est fait niquer, en plus la place était à 5 balles je crois, un truc comme ça, ou 15, tu fais bon... spectacle accessible. Et ouais, et ça, c'est le genre de truc qu'on aurait aimé voir, hein, je pense. Eh oui. Mais du coup, on s'est rattrapé. On a regardé, là, il n'y a pas longtemps, Deux mariages et un enterrement, coécrit avec et sous la contrainte de Jérémy Ferrari. Alors, sous la contrainte. Bah oui, pourquoi ? Parce que, en fait, là, il nous parle. Donc, souvent, il prend un rôle d'une autre personne sur scène. Et là, en fait, il se découvre vachement. Il parle de lui, de sa dépression. Oui, c'est vrai qu'il parle que de lui, en fait. C'est son premier spectacle personnel. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, est-ce que ce serait pas le spectacle de la maturité ? On va en revenir à là. Encore une fois, bordel. Ouais, bah là où on se rend compte que le métier d'humoriste, c'est dur de pouvoir faire rire les gens, en fait, en étant soi-même en dépression. Voilà, c'était le gros thème. Voilà, oui, le thème principal. Oui, c'est le gros thème. Et puis, tu le ressens rien que sur le titre. C'est ça. Deux mariages et un enterrement. Bon. C'est ça, on est pas sur quelque chose de très joyeux. Quoique, on pouvait se dire, mariage, ouais, mais c'est... C'est les siens qui se soldent par des divorces. C'est ça. Bonsoir. Donc, on y parle du syndrome de la passe décisive. Qu'est-ce que c'est ? Eh bah, c'est quand tu épouses une femme et puis bah, que finalement, elle rencontre quelqu'un de mieux que toi. et qu'elle reste avec cette elle personne. Reste avec le gars. Voilà. Voilà, donc ouais, c'est l'enterrement de son père dont il parle aussi. L'enterrement de son père, oui. Ouais, donc voilà, c'est sa dépression. Vous spoilez pas les meilleurs passages là, comme ça, quand même. Hein. Bah, on parle de ces deux mariages et de la mort de son père. De mariage à l'enterrement, on dit juste qui est mort. On fait pas les vannes. Non, là on parle pas de vannes. Mais sinon, on peut parler de cet exercice très technique et très réussi du mime qu'il commence en début de spectacle. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Il dit, je vais commencer comme ça, et il te tient, en fait. Il parle pas. J'ai failli le faire en début d'émission, mais je me suis dit que c'était une mauvaise idée. Du mime en podcast, c'est pas ouf. Et moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce que je trouve qui est vraiment la prouesse technique, mais ultime, c'est le gars, il se dit, tiens, je vais faire un sketch avec un hologramme. Ouais. Enfin, moi, je... C'est pour ça, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé la performance folle et on n'arrive pas à distinguer qui est le vrai, en fait. Le gars a mis quand même du budget. Ah ouais, non, mais c'est quand même assez ouf. Tu te dis, bon, bah là, sur scène il y a quasiment rien et au final, waouh, c'est on en arrive à un point. Non, en plus, moi j'étais au premier rang. Voilà. Allez. Voilà. Alors, Flo, il était trois rangs derrière, il a le seum. Mais j'étais au premier rang et j'arrivais pas à savoir lequel était lequel jusqu'à ce qu'il découvre, jusqu'à ce qu'il nous dise, en fait. Voilà. Et c'est pour ça, là, encore maintenant, je suis ébahi. Encore maintenant, j'ai du mal à savoir qui est l'hologramme. Ouais, je suis obligé de fermer. Ah non, n'est-ce pas ? C'est arrivé si vite. C'est arrivé si vite, si gratuitement. Ouais, bon, il y a un truc où je peux spoiler, c'est parce que c'était un truc spécial à jouer. C'était sur les l'impro sur les Portugais de jouer. Donc, non, mais c'est ça. Voilà, il est resté 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, sur un quart d'heure à faire une impro sur une équipe de foot. Donc c'est pour vous poser un petit peu les bases du gars. Quoi. C'est, le gars arrive à faire très un fort. Quart d'heure sur le une équipe de foot ouais. qui s'appelle les Portugais de jouer. Et ouais, et du coup, si vous avez pas vu ce spectacle, je pense qu'il est toujours en tournée. Oui. Bah, qui est en tournée, qui est en ouais, tournée, qui ouais. en tournée encore, ouais. Et qui se réinstalle un peu à Paris prochainement. Et ben, bah, et voilà. Et ben bah, voilà, bah, faites ça. Hein, Faisez ça. Oui. Eh bien, nous avons fait un petit peu le tour de cette belle carrière. Que, ma foi, c'est fourni, on veut. Ouais, ouais, ouais, ouais, bah ouais, parce que là, on se rend compte quand même qu'il a, il a touché à beaucoup de trucs. Ouais, ouais. Pépère, là, effectivement, c'est une belle carrière. Connaîtra-t-on la même? Je ne suis pas sûr. Alors, moi, non, c'est sûr. Et on va commencer maintenant le conseil de classe. Et Thomas, le conseil de classe. Oh bah, là, c'est difficile de faire un conseil de classe là-dessus, tellement le manque d'objectivité est grand. Oh bah, Donc ça sera bien sûr pour moi des félicitations, j'adore l'artiste. C'est vrai que je suis assez d'accord avec Cédric sur le fait qu'il a réussi à refaire naître un genre d'humour qui s'était un peu estompé en France et dont je suis très consommateur et au final dont de plus en plus de personnes sont très consommatrices. Donc oui, un grand oui, puis j'espère le revoir, parce que j'espère que ça ne sera pas son dernier spectacle. Voilà, donc félicitations et encouragement pour la suite, parce qu'on veut en voir à foison. Eh ben oui, avant de te laisser la parole, Cédric, moi aussi je vais partir sur des félicitations, parce que j'adore tout simplement Arnaud de sa mère, j'adore même à tel point que pendant un moment je m'étais fait le même book, voilà, c'est pour vous dire. Donc c'est vraiment pas objectif du tout, arrêtez de moi rigoler. Aussi. Non mais moi coup. Aussi. Je vous emmerde. Mais ça poussait pas autant. D'ailleurs, je crois même que j'ai une photo avec lui prise à la gare de Tours où j'ai exactement le même book et c'est limite gênant. Mais bon, passons. Ce jour-là, il m'avait donné des infos sur la saison 3 d'HeroCorp qui n'était pas encore sortie, voilà. Mais bon. Mais ouais, un genre d'humour que moi j'apprécie et qui est plus en vogue, on va dire, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons en tout cas. Et malheureusement, qui n'est pas trop en vogue chez nous, c'est dommage, parce que ça mériterait être connu. En même temps, il improvise, mais comme un malade, et ça semble si facile pour lui. Et je peux vous dire, pour avoir fait de l'improvisation, que c'est pas si facile que ça, en fait. Donc ouais, on va espérer qu'il fasse de nouveaux spectacles, qu'il se remette bien, parce que là, il avait quand même l'air bien bien en dépression. C'est bien, parce que... Entre Jérémy Ferrari et lui, là, je peux te dire, en 2 semaines, j'ai fait des spectacles. Tu fais « Wouh, hey, trop bien, je suis content, c'est faux !» Mais voilà, ouais, des félicitations et puis encouragement. Hey, continue pour la suite, mon Arnaud, allez. N'importe quoi, c'est mon pote. Et Cédric, c'est à toi. Eh bien, moi, ça sera aussi des félicitations et des encouragements. Non pas des encouragements parce que je pense qu'il peut faire mieux. Non, c'est l'encourager dans sa motivation à toujours nous faire rire, tu vois. Parce que franchement, ce gars-là, bon, je l'ai toujours admiré, c'est pas un secret. Et du coup, limite, ça m'a touché de le savoir aussi mal à un moment de sa vie. Tu vois, et puis du coup, quand Ferrari l'a sorti de là, en voulant justement lui dire, bah tiens, il t'arrive que des merdes, bah vas-y, parle-en dans un spectacle, c'est ça qui est drôle. C'est la touche Ferrari qui arrivait dans le spectacle de sa mère était juste incroyable. Ça lui donne encore. Ça lui donne une autre dimension. Une nouvelle dimension encore, une nouvelle palette technique encore. Voilà, continue à nous faire rire et puis continue quoi. S'il te plaît. Non, en fait, c'est vraiment continue. Voilà, s'il te plaît. Voilà. C'est même pas. C'est tu continues vraiment, sinon. On vient, on sait pas où t'habites, mais voilà. On vient. Et je vais venir et tu vas signer mon DVD. déjà. Et après, on te dira s'il te plaît, parce qu'on est gentil en fait. On est gentil et oui. On t'aime. Voilà, et bien, c'est sur cette belle preuve d'amour que va se terminer cet épisode de Cultirims. Merci messieurs. Et ben ouais, on est déjà au mois de juin, c'est déjà la fin de l'année. Il reste pas beaucoup d'émissions avant la fin de la saison. Mais bon, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, ça arrive lourd, comme disent les jeunes. Hein, ça va être des masterclass. J'ai tellement honte de dire ça. Je peux enlever mon t-shirt. Tu peux enlever ton t-shirt, ton slip et tout ce que tu veux. Donc nous allons très vite conclure cette émission parce que je me sens assez gêné. Vous pouvez bien évidemment retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Deezer. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Comme c'est l'été, il va faire chaud, donc n'hésitez pas à aller choper une petite casquette sur le Cultu Shop. Bah oui, hein, quand même. Et puis bah préparez aussi les héritages de mamie parce que voilà, donc pour mettre les héritages il y a les tote bags aussi Culture Rims, voilà, ou pour mettre les cendres il y a les gourdes les gourdes, c'est pas les gourdes pour se marier. Non. Vous pouvez bien évidemment aussi écouter les autres podcasts du label Prodcast sur tous les réseaux de streaming, à savoir l'actu dans le bahut, le BPcast et Wake Up NBA. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un cœur sur vous et surtout, culturez-vous.